On va parler du Canadien de Montréal et de l'actualité dans la Ligue nationale de hockey avec notre collaborateur Stéphane Lebeau. Salut Stéphane! Salut Danny! Stéphane, je veux te parler avant tout. J'ai posé une question sur les médias sociaux ce matin aux gens qui commencent à me suivre, puis ils sont de plus en plus nombreux. Puis je vais t'en poser, puis ça, j'ai pas mal de réponses intéressantes. J'ai posé la question, qui est le grand responsable des déboires du Canadien? Et je me suis prononcé, j'ai dit que c'était un, dans l'ordre, Trevor Timmons, deux, Sylvain Lefebvre, et trois, Marc Bergevin. Pourquoi je dis Trevor Timmons? Parce qu'en 2018, puis ça, on en a parlé souvent, Stéphane, là, on en parle quasiment les fois que je t'appelle, là, mais ça revient, parce que moi, je pense que c'est le vrai problème, c'est qu'en 2018, ton réseau de développement, ton réseau de recrutement doit développer et doit produire, si tu veux, être des aspirants à la Coupe Stanley. Et toutes les preuves ont été faites. Et Marc Bergevin, dans un troisième temps, de pas avoir réglé ce problème-là. Toi, c'est quoi ton... C'est qui ton responsable, ton premier grand responsable? Ben moi, je suis obligé d'aller avec le chef d'orchestre, qui est Marc Bergevin. OK. Parce que oui, effectivement, le travail du secteur du dépistage amateur, entre autres Trevor Timmons, qui n'ont pas fait le travail. Ben, le chef d'orchestre, c'est Marc Bergevin. Lorsque Marc a été engagé, il a décidé de lui faire confiance, malgré là, les peu de performances qu'il avait faites au préalable. Peut-être mal évalué la situation. Et puis, ce qui fait en sorte que l'organisation n'a pas été capable de produire de bons jeunes joueurs, des joueurs d'impact, des joueurs dominants qui vont faire... une différence dans un match de hockey. Et ça, ça a mis beaucoup de pression sur l'organisation, autant sur le dépistage professionnel. Il a fallu que Marc Bergevin et les dépisteurs professionnels là, fassent plein de simagrées pour essayer de colmater tous les manques que le produit amateur n'a pas été capable de livrer. Et ça a mis aussi beaucoup de pression sur le cap salarial, parce que par le fait même, au lieu d'avoir de bons jeunes joueurs qui coûtent pas cher, qui font bien le travail, on est obligé d'aller chercher des joueurs sur le marché, des joueurs autonomes, où ça coûte très cher, parce qu'on doit les surpayer à Montréal en plus. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le Canadien se retrouve dans une situation précaire, oui, pour cette année, mais pour l'avenir, ce n'est pas très rose non plus. Et à cause de ça, j'ai été obligé de dire que je suis obligé de constater que le chef d'orchestre, Marc Bergevin, jusqu'à présent, il avait réussi à colmater et à camoufler des brèches, des lacunes. Mais là, il faut s'en aller à l'évidence que la situation n'est pas très, très jolie chez le Canadien. OK. C'est sûr qu'on peut même monter plus haut, hein, parce que je sais pas si t'es un amateur de football. Tu sais, ça commence toujours par la base. Ça commence toujours par... pourquoi les Patriots de l'Angleterre sont si dominants? C'est oui, t'as Tom Brady, oui, t'as Bill Belichick, mais c'est qui a nommé ces gens-là? C'est Robert Kraft, le propriétaire des Pats. Tu pourrais même monter plus haut tant que ça. Bien, c'est sûr, ça devient une philosophie d'organisation. Il y a des décisions qui doivent être prises. Et puis bon, ce qui est un petit peu, pas décevant, mais surprenant, ou les deux, c'est que Marc Bergevin, lorsqu'il avait été engagé, bon, on sait très bien là, qu'il est arrivé d'une organisation, les Blackhawks de Chicago, qui, eux, ont connu beaucoup de succès sur la patinoire, beaucoup parce qu'ils ont bien repêché et ils ont fait du bon développement. Donc, il est arrivé un petit peu avec cette philosophie-là, il croyait beaucoup et trouvait de constater qu'aujourd'hui, que c'est un échec. Ben oui. Et puis, bon, par ce fait-là, il n'a pas pris d'action. Et là, 6 ans plus tard, le Canadien se retrouve dans une situation, je le répète, là, vraiment précaire, parce que l'avenir n'est pas vraiment très très joli comme perspective. Et puis, on fait quoi? Le personnel est toujours en place. Mm. Est-ce qu'on donne encore une chance à ces gens-là de se racheter puis de faire mieux la prochaine fois? C'est là que je m'interroge à ce statut de la saison. Là. Non, mais il faut qu'il y ait des têtes qui roulent. Tu sais, quelque part, il n'y en a pas eu. Tu sais, Sylvain Lefebvre, m'excuse. Tu sais, tu mets Dominique Duchamp. Mets Dominique Duchamp à la place. Est-ce que tu prends Dominique Duchamp ou Sylvain Lefebvre? Quand ça fait 5 ans que le gars actuellement fait un match en séries éliminatoires, tu sais, Dominique Duchamp, une finale. une finale, gagner une fois la médaille d'or, participer à la finale en plus de ça, joue, et bien que les voitures de Drummondville, à un moment donné, faut que tu changes la recette, non? Que ça marche pas? Ben, écoute, c'est sûr, lorsqu'on fait le bilan là, des saisons de la Ligue américaine de Sylvain Lefebvre, là, c'est peu concluant en termes de résultats, autant au niveau résultats d'équipe qu'au niveau de développement. Ben, est-ce qu'on doit nécessairement que blâmer Sylvain Lefebvre? Non, je pense non, que j'ai travaillé avec lui 2 ans. Ouais. C'est un gars brillant, un gars de qualité. Par contre, à un moment donné, on est dans un business où il faut performer, il faut livrer la marchandise. Mais Marc Bergevin, souvenez-vous, là, l'année passée, quand il a perdu Radulov et Markov, il a dit, ah, si vous voulez avoir la loyauté, achetez-vous un chien. Mais Marc Bergevin est très loyal envers ses collaborateurs. Il a mis Michel Therrien dehors, mais en général, il est très loyal envers les gens qui le côtoient dans l'organisation. Mais cette loyauté-là, peut-être, va lui coûter son travail, parce que jusqu'à présent, ces hommes de hockey, là, n'ont pas réussi à lui offrir ce qu'il fallait pour être une équipe compétitive et aspirante à la Coupe Stanley. Oui. Stéphane, en plus de ça, ce qui me fait rire, c'est que les médias de Montréal commencent à parler. Commencent à penser que John Tavares s'en viendrait à Montréal. Ça me fait tellement rire, ça. Ben, ça me fait rire, moi aussi. Écoute, on a droit de le souhaiter. On peut penser que Marc Bergevin, si jamais il devenait joueur autonome sans compensation, il serait sur le coup, il tenterait sa chance. Mais qu'est-ce que le Canadien a offrir de plus à Tavares qu'un paquet d'autres équipes si Tavares quitte New York Islanders? C'est possiblement parce qu'il va se faire offrir un contrat vraiment très, très lucratif, ou c'est parce qu'il aspire à la Coupe Stanley. Bon, peut-être que le Canadien peut le payer très cher, mais est-ce que le Canadien peut vendre l'idée à Tavares qu'ils sont prêts d'une Coupe Stanley? Je ne penserais pas. Il y a tellement d'autres organisations qui sont en avant du Canadien actuellement. Donc, moi aussi, ça me fait rire de voir que Tavares, là, ça serait une de ses options numéro un de venir à Montréal. J'ai beaucoup de misère à croire. Il y en a plus de ça. Tu peux pas te baser sur une... Parce que hier, j'écoutais Michel Langevin, puis c'est un gars que j'aime beaucoup. Michel Langevin, 91-9, dit « C'est le plan de Marc Bergevin, c'est ça. » Je peux pas croire mais que le gars va perdre sa job après avoir perdu Radulov, Markov, après avoir... Drouin, c'est un échec. Il prépare un gros coup, mais tu sais... Puis encore là, tu peux pas te baser... Sur quoi qu'on se base pour dire ça? Tu peux pas te baser... Écoute... Si c'est ça ton plan, là, c'est comme quelqu'un qui espère gagner à la loterie, puis qui son plan, c'est de gagner à la loterie au lieu de, pour faire de l'argent au lieu de travailler. C'est à peu près... Présentement, si tu parles du dossier Tavares spécifiquement, évidemment, Tavares, là, présentement, New York Islanders ont moins de problèmes que le Canadien. Il faut qu'ils trouvent un gardien de but, peut-être quelques défenseurs, mais ils ont une équipe, selon moi, supérieure au Canadien actuellement. Mais ça ne veut pas dire que Tavares va vouloir quitter cette organisation-là non plus. Donc, à suivre, il faut tenter son coup. Mais de là à penser que Tavares, là, l'option numéro un de Tavares, c'est de devenir joueur à Montréal. En tout cas, je serais très content, très heureux. Mais ça reste à prouver et à voir surtout. Puis demain matin, Stéphane, mettre John Tavares avec les Canadiens, est-ce que ça fait une équipe aspirante à la Coupe Stanley tout de suite? Pas sûr, moi, parce que t'as pas de défenseur. Il manque au moins 2 défenseurs, peut-être un autre joueur de sang. Tu sais, c'est. T'as tout à fait raison. Ça serait une grande acquisition. Le Canadien serait sûrement meilleur. C'est un petit peu le Radulov qu'on a perdu en mieux. Ouais. Qu'on viendrait remplacer avec beaucoup plus un salaire beaucoup plus grand que Radulov. Mais tu as raison, il manque pas juste un élément chez le Canadien, il en manque plusieurs. Ouais. Moi, j'estime qu'il manque 2 bons joueurs sur les 6 premiers trios du Canadien. Oui, oui. Puis après ça, ça prend une défensive, des défenseurs renouvelés. Nouvelle génération. Ils sont capables de transporter la rondelle. C'est ce qui manque actuellement. Supporter l'attaque. Ouais. Donc, effectivement, là, il manque beaucoup de pièces aux Canadiens pour devenir une équipe aspirante à la Coupe Stanley. Mais il faut commencer quelque part, Danny. Ouais. Puis si on commence avec Tavares et puis on est capable d'aller en chercher d'autres, ben tant mieux, mais je pense que le processus, le fait qu'on n'a pas beaucoup de bons jeunes prometteurs dans l'entourage, va faire en sorte que ça va se compliquer un petit peu pour le Canadien. Qui tu penses qui va partir d'ici le 26? Ben moi, je pense que le joueur le plus susceptible de partir, ça serait Tomáš Plekanec. Bon, ça, c'est parce que bon, il est à fin de contrat, il ne sera pas trop cher comme joueur de location. Un joueur qui sur un rôle de troisième, quatrième trio en désavantage numérique peut être utile pour une organisation. Si on est capable d'aller chercher un joueur repêchage. Puis si Tomáš Plekanec veut revenir à Montréal à 1 million par année pour jouer sur le quatrième trio, à la limite, j'aurais pas de problème avec ça. Je ne suis pas un grand fan de Plekanec. Mais sur un quatrième trio à 1 million de dollars présentement, je pourrais pas voir grand problème à cet égard-là, mais au moins on obtiendrait quelque chose en retour. Sinon, les autres joueurs qui peuvent partir, moi, l'échange de Pacioretty, j'y crois pas trop, Galchenyuk non plus. Pour ce qu'on peut obtenir en retour actuellement, je trouverais le risque très fort. Vu qu'on n'a pas de relève pour remplacer ces joueurs-là, Andrew Shaw, ça pourrait être un autre joueur qui pourrait quitter. Moi, avec le salaire qu'il commande pour une aussi longue période de temps, je pense que c'est un joueur qui, malgré que c'est un guerrier, un compétiteur, je pense que c'est un joueur facilement remplaçable à moindre coût. Donc, ça sera à voir si c'est Plekanec et Andrew Shaw vont quitter. Moi, je pense personnellement que Pacioretty va partir. Personnellement, là. Plekanec, c'est pratiquement fait aussi. Et peut-être Andrew Shaw. Mais Pacioretty, qu'est-ce qu'on peut avoir en retour, Danny? Ouais. Un choix premier rond pour un bon jeune. Ben, c'est ça, il va falloir que le jeune soit bon. Ouais. C'est ça, parce que veux pas, là, Pacioretty est un petit peu victime de la philosophie du Canadien, le fait qu'on manque de défenseurs pour appuyer l'attaque, le fait qu'on n'a pas de vrais joueurs de centre pour jouer avec lui. Parce que Pacioretty, là, on a beau le décrit comme un joueur unidimensionnel, puis c'est presque le cas. Il est quand même un des meilleurs buteurs dans les dernières années de la Ligue nationale. Ouais. Donc, il faut faire attention si on l'échange là, pour ne pas empirer la situation. Oui, effectivement. Hey, Jonathan Drouin au centre. Comment à l'aile maintenant? C'était le temps. Hein? Moi, je... Quand tu vois Sergachev produire comme ça à Tampa Bay, tu te poses la question, puis il me semble que j'aurais fait ça bien avant. Parce que là, Marc Bergevin paraît très mal. Puis tout le monde le sait là, que Jonathan Drouin, c'est pas un joueur de centre. Puis enfin, on a décidé, du côté du Canadien, de l'envoyer à sa position normale. Peu importe, regarde, si c'est pas un... il était là parce qu'il n'avait pas de joueur de centre. Mais à quelque part aussi, Steph, tu sais, si t'es pour mêler l'autre, tu crées deux problèmes au lieu d'en créer un. Ouais, il y a un malaise à ce niveau-là, Danny. On a persisté avec Drouin pour être patient, pour essayer de lui donner tout le temps nécessaire de s'acclimater à cette nouvelle position-là. Et là, pendant que Dano s'absente, on trouve le moyen de le déplacer à l'aile. C'est pas clair. Puis moi, la grande surprise, j'ai tombé de ma chaise hier, c'est de voir Jacob Delarose là, pivoter. Mais c'est parce que t'as pas de joueur. Non, je le sais bien, mais quand même, là, à un moment donné, c'est à ses limites. Pourquoi pas mettre Hudon au moins avec ces deux joueurs-là au centre? Jacob Delarose, pour moi, c'est peut-être le digne remplaçant de Plekanec, peut-être avec une production offensive un peu moins, mais un gars qui commande un salaire de 750 000 $ qui est capable de jouer sur une quatrième trio, qui est capable de tuer des punitions, mais de là à faire jouer avec Galchenyuk. Puis Jonathan Drouin, ça démontre à quel point c'est de l'improvisation, à quel point que le Canadien est mal pris. Ça ne fait aucun sens pour moi de voir Delarose là. Peut-être qu'il va connaître un gros match ce soir pour me contredire, mais sur le long terme, je ne vois pas comment Jacob Delarose peut jouer ce rôle-là. Là, on a commencé à parler de Sean Couturier. À un moment donné, il faut être sérieux dans nos analyses. Couturier est un joueur dominant toute sa carrière. Si on regarde Jacob Delarose, sortez ses statistiques depuis qu'il a 16 ans. C'est tout sauf un joueur offensif. Il a ses qualités, il a sa place dans la Ligue nationale. Mais à un moment donné, de le faire jouer entre Drouin et Galchenyuk, ça démontre là, tous les problèmes que le Canadien peut avoir cette année. Ouais. Stéphane, on s'en parle très intéressant, on s'en parle la semaine prochaine. Ça fait plaisir, Danny, à bientôt. Collaborateur Stéphane Labeau.